Le journal d'internet russe Nouvelle Observation de l'Orient a inséré un numéro sous le titre « Aversion de l'Occident envers la Corée et danger de guerre ». L'auteur y indique que les presses occidentales dénaturent les réalités de la République populaire démocratique de Corée, que l'aversion occidentale envers ce pays est une insulte envers les presses équitables et qu'elle risque d'engendrer les conséquences catastrophiques dans la péninsule coréenne et à l'humanité.